À chaud, je m'en bats les couilles que c'est le juge qui rend justice. À chaud, tu me verras venir seul avec un calibre à chaud. J'entends souvent dire, déconne pas, saut, mais à chaud, tous les cas sociaux fait du cachot. À chaud, tu nous fais du charme, t'as la chatte mouillée. À chaud, j'entends péter mon son dans tous les quartiers. À chaud, c'est la mort violente façon Nicky Santoro. À chaud, ça rançonne ta famille pour quelques euros. À chaud, jamais on hésite. À chaud, le chaos des cités se trouve dans ma poésie. À chaud, tu voulais la vie de château. À chaud, c'est deux cités rivales qui s'échauffent. À chaud, ça devient parano. À chaud, ça fait un Yankee qui voulait pécho. À chaud, ça tire et ça prend des perpètes. À chaud, ça deal, mec, pour enfin prendre des pépettes. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. T'as chaud, j'ai chaud, on a chaud. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. T'as chaud, j'ai chaud, on a chaud. À chaud, ça pleure à chaud de larmes, trop de frères perdus. À chaud, les terroristes ont pris en otage un Airbus. À chaud, tu vois le peine nous causer du tort. Donc à chaud, j'encule la grand-mère à Louis XIV. À chaud, tout ça m'insupporte. C'est chaud, il est 6 du mat et les decks frappent à ma porte. À chaud, t'as pris l'avion pour fuir le pays. À chaud, t'as fait du placard et se fait pénible. À chaud, ça se bagarre, ça met du mascara sur un cocard. Ton rima t'a frappé hier soir. À chaud, t'aurais dû fermer ta grande gueule. Quand j'arrive en solo, c'est le public qui prend peur. À chaud, gros, t'as fait chose qu'elle de criminel. À chaud, on peut te retrouver mort dans une ruelle. À chaud, sur le code pénal, tu craches un larmo. À chaud, sur le bitume précoce, sur les marmots. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. T'as chaud, j'ai chaud, on a chaud. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. T'as chaud, j'ai chaud, on a chaud. Monsieur Socrate, tu marques d'ailleurs, ça vient d'auberre, monsieur Socrate. Tu marques d'ailleurs, ça vient d'auberre, monsieur Socrate. Tu marques d'ailleurs, ça vient d'auberre, monsieur Socrate. Tu marques d'ailleurs, ça vient d'auberre. Tu marques d'ailleurs, ça vient d'auberre, monsieur Socrate. Tu marques d'ailleurs, ça vient d'auberre, monsieur Socrate. Tu marques d'ailleurs, ça vient d'auberre, monsieur Socrate. À chaud, dans nos soirées on est toujours official. Elle est chaude, elle a vidé la bouteille de cristal. Belle est qu'elle a cette cambrure qui peut nous faire chavirer. À chaud, l'amour peut nous rendre aveugle comme Red Charles. Dans nos soirées on est toujours official. Elle est chaude, elle a vidé la bouteille de cristal. Belle est qu'elle a cette cambrure qui peut nous faire chavirer. À chaud, l'amour peut nous rendre aveugle comme Red Charles. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, à chaud, dédicace à tous les frères au cachot. T'as chaud, j'ai chaud, on a chaud. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. T'as chaud, j'ai chaud, on a chaud. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. T'as chaud, j'ai chaud, on a chaud. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. À chaud, dédicace à tous les frères au cachot. T'as chaud, j'ai chaud, on a chaud. À chaud, Belek, c'est corps à la prod. Oui, oui, si, si. Ex-PLZ.